Tu fais quoi, Eve? Ben là, j'écoute mon hibiscus. Ce que t'entends, c'est les vibrations de la plante qui sont traduites en son. Mais je savais pas du tout que c'était possible. Eh ben ouais, viens, je t'explique. AgroJ'écoute, ça commence maintenant. AgroJ'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. AgroJ'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cidre devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan. Bonjour à tous et bienvenue sur AgroJ'écoute, l'émission animée par les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan. Ce que vous venez d'entendre, c'est la musique des plantes de Jean Toby. Je m'appelle Johan Le Floc et je suis accompagné de Eve Ducaruge et Maya Champy. Aujourd'hui, nous allons parler des messages cachés des plantes. On va voir ensemble si les plantes communiquent entre elles, si elles sont capables d'échanger des informations par l'air, le sol ou même à travers les vibrations sonores. Enfin bref, il y a beaucoup de mécanismes que nous commençons à peine à comprendre. Et oui, en effet, pendant longtemps, l'agronomie a cherché des solutions à des problèmes, mais sans toujours s'interroger sur l'origine de ces problèmes, ni l'incroyable interconnexion du vivant. Aujourd'hui, face aux crises écologiques, on découvre que ces communications invisibles, de par les composés organiques volatiles, par exemple le réseau mycorhizien ou les ultrasons, sont des clés essentielles pour saisir comment les écosystèmes s'organisent et se défendent. Cette recherche encore jeune relève surtout à quel point nous connaissons mal les stratégies et le fonctionnement des plantes. C'est pourquoi nous échangerons à ce sujet avec Adelin Barbassi, chercheur au sein de l'INRAE, biomécanicien et spécialiste de l'immunité des plantes. Alors explorer ces langages végétaux, c'est apprendre à regarder autrement la nature et peut-être à imaginer des réponses plus justes et plus durables à nos défis agricoles. Complètement. Et on commence tout de suite par la communication chimique par l'air. Alors, on parle de communication surtout bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des émissions et des réceptions de l'information et la plante va réagir face à ces informations. On commence par un exemple très parlant, la girafe et l'acacia. Ah oui, j'en ai entendu parler. Oui, il est assez connu. Alors, imaginez, lorsqu'un acacia est brouté par une girafe, il augmente rapidement sa production de tanins dans ses feuilles. Donc, ce sont des molécules amères et toxiques qui vont les rendre beaucoup moins impétente. Et en parallèle de cela, la plante émet de l'éthylène, donc également une autre molécule qui est diffusée dans le vent et qui va alerter les acacias voisins et déclencher chez eux la même augmentation, cette fois préventive, de leur tanin, donc les rendre moins appétissantes. Quelles sont ces molécules qui provoquent ces réactions? Alors, ce sont les COV, ce sont les organismes organiques volatiles, donc de petites molécules organiques naturelles, qui s'évaporent facilement et se diffusent dans l'atmosphère ou dans le sol. Et donc, ça n'a rien à voir avec les composés organiques volatiles, polluants industriels causés par les transports, par exemple, quand on parle de la pollution de l'air. Exactement. Ici, les COV, on parle de médiateurs chimiques qui sont lâchés par les plantes et c'est souvent en réponse à une situation stressante. Donc, on distingue bien les stress abiotiques, donc environnemental, sécheresse, les variations de température et le stress biotique qui est lié aux organismes vivants. On peut imaginer les attaques directes d'herbivores ou d'insectes. Et ces médiateurs chimiques sont impliqués dans les relations entre plantes et l'environnement. Et elles jouent un rôle, en fait, dans l'interaction entre plantes sous forme d'entraide ou de concurrence entre espèces, comme ce fut le cas pour l'exemple de l'acacia. Donc les plantes peuvent s'envoyer des messages entre elles. Alors, leur forme de communication est plus un phénomène de réponse adaptative qu'un réel échange intentionnel. On pourrait faciliter en disant qu'elles écoutent plus qu'elles ne parlent intentionnellement. Enfin bref, il y a un exemple en 2024 qui est assez parlant. Il y a une découverte japonaise qui a été publiée dans Nature Communication et cette équipe a réussi à capturer en vidéo, et c'est une grande première, la réaction cellulaire de plantes ayant reçu les messages d'alerte de plantes voisines qui étaient attaquées par des chenilles. C'est super intéressant. Et en quoi qu'est-ce qu'on pourrait en tirer comme bénéfice en agriculture? Alors, c'est très intéressant. C'est une piste prometteuse, en tout cas en protection des cultures. On pourrait intégrer des plantes compagnes au sein de nos cultures actuelles. Et en fait, les COV qui vont être produits par ces plantes compagnes vont avoir différents effets sur les espèces, des plantes ou également des insectes ravageurs. On peut imaginer, comme pour l'exemple de l'acacia, une limitation des dégâts avec une réaction préventive. Donc ça, c'est une piste d'alternative ou en tout cas de limitation du recours aux pesticides. C'est un sujet qui est quand même de plus en plus exploré, avec une accélération globale du nombre de publications par an ces 10 dernières années. Et en plus de ça, la France porte bien les études, ces études-là, car c'est le second pays du monde à avoir le plus publié sur ce sujet de recherche, juste après la Chine. Est-ce que tu aurais des exemples en particulier sur ça ? Oui, il y a le projet ABAPIC qui a été lancé en 2021 en France. C'est un projet qui fait avancer les recherches de techniques agricoles sur les solutions innovantes de biocontrôle et qui étudie leurs modalités d'application. Et ça a été surtout porté sur les COV. Et en fait, ils ont amélioré un peu les stratégies de protection des cultures, recherché et développé de nouvelles approches qui pourraient être transférables en agriculture biologique. Et en fait, ils ont approfondi surtout les connaissances sur l'évolution des mécanismes de défense des plantes. Est-ce que c'est une science qui s'applique bien sur le terrain? C'est encourageant, mais encore difficile à transférer du laboratoire au terrain. En fait, on a une difficulté à maîtriser les techniques de mécanismes de défense. On a du mal à développer une stratégie d'utilisation parce qu'il y a des efficacités qui varient. On ne sait pas quelle plante utiliser, quelle variété, la densité de plantes. Il faut tester les associations avec telle ou telle culture. Enfin bref, il nous manque un manuel d'emploi général complet, on peut dire ça. Très bien, donc en fait au final c'est encourageant mais c'est encore à développer si je comprends bien. Totalement. Bon, vous êtes toujours sur AgroJécoute et nous allons maintenant parler des échanges dans le sous-sol. On quitte un moment les champs pour nous plonger au milieu de la forêt avec un petit extrait audio. Écoutez. On est toujours sur AgroJécoute et maintenant on va parler des échanges souterrains à travers le réseau mycorhizien. On vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode 42 d'AgroJécoute qui vous plongera dans le rôle des mycorhizes en agriculture. Aujourd'hui, on va se pencher plus particulièrement sur leur fonctionnement qui permettent les échanges entre les plantes. Alors déjà, pour commencer, une mycorhize, qu'est-ce que c'est ? C'est une association durable et à bénéfice mutuel entre un champignon et une plante. C'est une association qui est extrêmement répandue dans le vivant. 90% des plantes peuvent s'associer à ces champignons mycorhiziens. Et donc, le principe, c'est que la plante fournit du carbone issu de sa photosynthèse au champignon qui, en retour, lui transmet de l'azote et du phosphore. Et donc, l'une des associations entre plantes et champignons les plus connues, c'est entre les champignons et les arbres, mais ça peut aussi se passer entre les champignons et des céréales ou les champignons et des vignes. D'accord, donc, si j'ai bien compris, quand je mange des cèpes, ils ont poussé grâce à des arbres. Exactement. Beaucoup des champignons qu'on mange sont des champignons mycorhiziens. Donc pour le cep, par exemple, souvent c'est associé à des hêtres. Et donc la partie comestible du champignon qu'on mange, c'est l'organe reproducteur. Mais sous le sol, il y a un énorme réseau de filaments fongiques qui peuvent s'étendre sur des kilomètres. Et c'est cette capacité de prospection extrêmement importante pour les nutriments qui fait des champignons un allié favorable pour les arbres. Et donc les champignons mycorhiziens, ils ont... Au-dessus de ça, ils ont aussi la possibilité de relier les plantes entre elles. Ils peuvent s'associer à des plantes de la même espèce ou même de différentes espèces. Les mycorhizes sont donc bien plus qu'une association entre deux êtres vivants. Elles peuvent former un vrai réseau. Est-ce que les échanges se font aussi entre les plantes grâce à un réseau mycorhizien ? Alors, notre compréhension de ce réseau mycorhizien, elle est encore à ses débuts. Mais selon une étude canadienne et américaine en 1997, qui portait sur le transfert net de carbone entre les arbres, on observe que quand deux arbres de différentes espèces sont connectés par un champignon mycorhizien, si un des deux arbres est placé à l'ombre pour qu'il ne puisse plus faire la photosynthèse, on voit que l'autre arbre lui transfère du carbone. Donc on voit bien que le réseau mycorhizien peut servir d'infrastructure d'échange de nutriments entre les espèces. Ok, donc alors au lieu de se concurrencer, les arbres de la forêt s'entraident. Alors en réalité, on connaît encore mal les mécanismes qui régissent les flux d'échange, mais on voit que souvent les ressources vont de la plante la plus excédentaire à la plante la plus déficitaire. Après, de là à parler d'entraide avec nos connaissances actuelles, c'est un peu tôt pour l'affirmer, mais en tout cas, ça remet en question la vision selon laquelle les plantes sont nécessairement en concurrence parce que on voit qu'il peut y avoir quand même des échanges de ressources. Mais alors, quel serait le bénéfice des arbres à s'entraider ? Il y a deux hypothèses. On pense que pour les arbres, l'intérêt serait que partager ces ressources avec d'autres arbres permet la présence d'une grande diversité de champignons, puisque les champignons ont des préférences pour certains arbres. Et donc, ça pourrait aider l'arbre à faire face à des stress liés à des événements climatiques, plus il est connecté à des champignons différents. Et il y a aussi un intérêt pour l'arbre de partager ses ressources avec les membres de son espèce pour assurer la survie de l'espèce. Et après, au niveau des champignons, on pense aussi qu'ils ont tout intérêt à redistribuer des nutriments en excès de certaines plantes vers d'autres plantes en déficit pour assurer leur survie et pour faire en sorte que toutes ces plantes-là lui donnent du carbone issu de leur photosynthèse. Donc en fait, ce qu'il faut retenir un peu, c'est que les plantes, c'est pas des êtres si passifs. Elles sont dynamiques, elles sont actives, elles s'adaptent et surtout, elles sont interconnectées. Exactement. Donc pour faire la transition vers la dernière partie, on vous a choisi une musique retranscrite à partir de signaux captés à partir de figuiers et de pins. On vous laisse baigner dans cet univers harmonieux. Vous êtes toujours sur Agro J'écoute, vous venez d'écouter l'album Music of the Plants de Signor Barbano et on vous parle de ce dernier sujet. Oui, après l'air et le sol, il manque un dernier élément que tu nous as présenté, Eve, et il est assez inattendu, c'est le son. Oui, aussi surprenant que cela puisse y paraître, les plantes seraient capables de percevoir mais aussi d'émettre des ondes sonores et ultrasons. Une première expérience dans les années 1970 aux États-Unis, à l'université de Berkeley, a montré que les tulipes étaient capables de pousser plus vite et mieux avec de la musique. On a donc commencé à s'interroger sur les interactions entre le son et les plantes. Mais alors, comment le son pourrait impacter les plantes ? Alors déjà, qu'est-ce que le son ? Le son, c'est une vibration, une stimulation mécanique, caractérisée donc par des ondes mécaniques, mais de longueur et d'amplitude différentes, qui vont se déplacer dans les milieux solides, liquides et gazeux. On va avoir une large gamme acoustique d'ondes qu'on entend et d'ondes qu'on n'entend pas. On va avoir les ultrasons, qui sont très aigus, et aussi les infrasons, qui sont très graves. Alors, si on dit que les plantes émettent du son, qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors, une étude de l'université de Tel Aviv sortie en 2019 a fait du bruit. Ils ont enregistré des plantes tomates et de tabac. Et qu'est-ce qui en est ressorti ? Et qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Alors, ils avaient des plantes qui étaient soumises au stress hydrique et d'autres qui avaient des tiges coupées. On a pu voir, entendre des ultrasons inaudibles à l'oreille humaine, qui émettaient du coup des clics très brefs. Ces plantes émettent des ultrasons aériennes qui sont mesurables. On a pu remarquer que pour les plantes stressées, il y avait une dizaine de clics par heure, comparé aux plantes aimants où il y avait un clic voire moins par heure. Et est-ce que le son était différent selon le stress ? Alors oui, effectivement, il semblerait qu'il y ait une légère variation, que ce soit en fréquence et en rythme, en fonction si c'était de la sécheresse ou la coupe de tige. Et du coup, à quoi ça sert pour les plantes de faire du bruit ? Est-ce qu'on peut vraiment parler de communication ? Alors, c'est encore flou, c'est une hypothèse. Il semblerait que les sons seraient capables de transporter de l'information sur leur état physiologique. Mais toujours comme étant une hypothèse, on parlerait de potentielle communication dans le sens où ça pourrait alerter d'un danger ou localiser une ressource pour une plante voisine ou même avec d'autres organismes. Mais rien n'est encore sûr. Donc on a des pistes de recherche, on sait qu'il y a des sons qui existent, qui sont plus ou moins liés à des situations stressantes, mais qu'en est-il des sons qu'elles pourraient percevoir ? Alors on appelle ça de la phytoacoustique ou de la bioacoustique végétale. Une étude italienne sortie en 2024 montre que les sons peuvent influencer les plantes. Et quels sont les impacts de ces sons ? Alors ça va dépendre de certaines fréquences graves ou aiguës en hertz, mais aussi l'intensité d'onde en décibels, la durée du traitement ou la configuration de la source. Elles peuvent impacter positivement dans certaines expériences. Par exemple, elles peuvent accroître la croissance ou la résistance des plantes, mais aussi activer les voies métaboliques et génétiques ou encore améliorer la tolérance à la sécheresse. Est-ce que tu aurais des exemples concrets à nous donner ? Alors oui, il y a une étude coréenne en 2014 sur l'effet des vibrations sonores sur les plantes qui a montré que ça permettait aussi de stimuler la germination des graines, l'élongation des racines, l'activité enzymatique et hormonale, comme je l'ai dit précédemment, mais aussi l'expression de certains gènes de défense. Attention par contre, parce que ça peut aussi avoir un impact négatif. À haute intensité et une exposition longue, ça peut nuire à la plante, qui, sous stress, peut inhiber sa croissance. L'objectif, c'est de trouver les seuils pour chaque plante selon leur espèce et leur contexte. Et en agriculture, alors, comment on pourrait appliquer ça ? Alors, il y a une revue hongroise aussi sortie en 2025 sur les sons qui a montré qu'on pouvait appliquer à l'agriculture des traitements sonores. Ça permettait d'améliorer le rendement, notamment par l'amélioration, par une meilleure croissance et un développement des plantes. Mais aussi réduire l'usage des engrais ou des pesticides, avoir une meilleure adaptation tolérance au stress, donc que ça soit de la sécheresse ou les maladies. C'est vrai dans l'optique de détecter le stress hydrique pour optimiser l'irrigation, par exemple. Mais là, on en est encore à un état de test et d'essai. Du coup, si je comprends bien, on est toujours dans des phases d'observation, mais il n'y a pas d'explication du comment les vibrations sonores se traduisent en signaux biologiques. En fait, il y a des mécanismes exacts qui nous sont encore très inconnus. Ah oui, effectivement, c'est la limite actuelle de nos connaissances. C'est pour ça que nous allons maintenant accueillir un expert sur le sujet pour répondre à nos questions. Monsieur Adelin Barbassi, chercheur au sein de l'INRAE, biomécanicien et spécialiste de l'immunité des plantes. Bonjour monsieur Adelin Barbassi. Bonjour. Alors voilà, on va commencer par notre première question. Faites-vous des travaux en lien sur ce sujet, sur la sensibilité végétale ? Oui, alors depuis plusieurs années, on a commencé à s'intéresser à la question. Moi, en tant que biomécanicien, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les forces physiques régulent l'immunité végétale. Et donc, je travaillais avec avec des pathogènes, j'essayais de comprendre comment un pathogène il exerçait des forces sur une plante, et puis on a trouvé que ça marchait très très bien, que c'était vraiment important pour l'immunité, et donc on s'est demandé par exemple si le vent, quand il faisait bouger les plantes, ça permettait une amélioration ou une diminution de sa réponse immunitaire. Et de façon assez surprenante, pour les gens, le grand public, le vent, c'est le bruit du vent. Et donc, on nous a posé beaucoup de questions sur l'effet du son sur l'immunité, et on n'avait pas beaucoup de réponses à donner. Alors, il y avait les travaux que vous avez évoqués dans votre préambule, et c'est des travaux qui, quand même, sont pas très nombreux, et donc il fallait quand même, je pense, pour répondre de façon un peu claire aux gens, il fallait un peu s'y mettre et voir par nous-mêmes ce que ça pouvait donner. Et donc, ça fait quelques années qu'on a commencé à regarder l'effet du son sur la réponse immunitaire des plantes à une maladie assez connue, quoi, qui est créée par un champignon nécrotrophe. Donc le nom de la maladie, c'est la pourriture blanche, et le champignon, c'est un champignon qu'on retrouve partout dans les jardins, et c'est un champignon qui s'attaque à toutes les plantes crucifères comme le soja ou alors le colza, et qui s'appelle Sclerotinia sclerosaurium. Et donc nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effet. Et j'en suis le premier surpris, hein. On a fait les manips des dizaines de fois, et les plantes deviennent plus résistantes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette augmentation de résistance, elle n'est pas immédiate. C'est-à-dire qu'il faut exposer les plantes plusieurs fois à des stimulations sonores pour arriver à voir cette résistance. Et donc on s'est demandé pourquoi il fallait les exposer plusieurs fois. Et du coup, on se demandait, en fait, déjà, comment les plantes peuvent percevoir physiquement des vibrations sonores ? Est-ce qu'il y a des structures spécifiquement impliquées là-dedans ? Eh bien, ça, c'est une question très compliquée, vraiment très compliquée, qui est assez intéressante pour le chercheur que je suis, parce que, on n'a aucune réponse, c'est très difficile de formuler une hypothèse pour pouvoir y répondre. Alors, comme vous l'avez dit, un son, c'est une vibration. Et donc, la vibration, elle se fait à un certain rythme, dans le temps. Et le rythme, il est quand même soutenu. Hein. C'est-à-dire que même un son très grave, par exemple, mettons 100 Hz, ça correspond un peu au son qu'il y a dans les boomers de votre système audio, par exemple, c'est quand même des vibrations qui se font 100 fois à la seconde. Et chez les plantes, on connaît absolument rien comme outillage moléculaire dans les cellules qui est capable de répondre à des fréquences aussi élevées. L'outillage moléculaire qu'on connaît qui répond le plus vite, c'est un petit canal qui est dans la membrane qui s'appelle MSL10 et qui a la propriété de s'ouvrir, et il s'ouvre jusqu'à 10 fois par seconde. Donc là, on est vraiment au-dessus, et donc ça pose un problème déjà pour savoir comment les plantes pourraient percevoir ces vibrations qui sont très rapides. Et l'autre particularité, c'est que les vibrations, en plus d'être rapides, d'un point de vue pression, c'est très très faible. C'est-à-dire, vous avez parlé de décibels, donc les décibels, c'est un peu ramené à notre sensibilité de l'oreille humaine, hein. Et donc 100 décibels pour nous c'est très fort. Mais en Pascal, donc la pression que la variation de pression de l'air associée au son, elle est de 1 Pascal. Donc c'est 1 cent millième de fois la pression atmosphérique. Donc pas vraiment fifrelesque quoi. Donc on peut vraiment se poser la question de comment elle pourrait le percevoir. Ça serait je pense que nous on travaille activement sur le sujet et c'est je pense assez merveilleux ce qu'on risque de trouver parce que ça défie vraiment tout ce qu'on connaît de la capacité des plantes à percevoir les forces mécaniques et leurs conséquences. Et donc pour faire ça, nous on travaille avec le laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans parce qu'on pense que il faut vraiment bien comprendre la physique de l'acoustique et l'interaction de l'onde acoustique avec le matériau végétal pour après comprendre la biologie qu'il y a derrière. Et du coup, est-ce que le son aurait-il un rôle dans l'adaptation des plantes à leur environnement ? Alors ça c'est vraiment la question qui est au cœur de tout. Jusqu'à il y a quelques années, je dirais 2014, les études qui avaient été faites sur l'effet du son sur les plantes, elles avaient été faites par des curieux, mais pas tellement par des biologistes. Et puis, elles avaient été faites aussi un peu par des agronomes, qui avaient essayé ça comme un traitement, un peu ce que vous décriviez dans les essais qui sont en cours. Mais il n'y avait aucun biologiste qui s'était posé sur... qui s'est intéressé à la question. Et parce qu'il n'y avait aucune raison de penser que dans la nature, le son puisse avoir un rôle sur la vie des plantes. Ok. Pardon, excusez-moi. Je me demandais du coup si la communication des plantes pouvait se limiter uniquement à une réponse adaptative par rapport au son reçu. Et dans ce cas-là, est-ce que ce serait vraiment de la communication ? Eh bien, c'est une bonne question dans la mesure où, pour l'instant, ce qui a été montré, c'est qu'il y a un effet du son sur les plantes. C'est pas vraiment clair si dans la nature, c'est-à-dire quand dans un environnement où la plante est stimulée par vraiment des stimuli très divers, quoi. Et ben cet effet existe encore, on l'a jamais montré. Et donc pour l'instant, on est dans des études très réductionnistes en laboratoire. Et donc si on arrive à montrer que il y a un effet dans la nature du son et une réponse adaptée, et ben il reste encore à montrer que ça puisse être perçu par les plantes voisines et que ça déclenche chez elles un effet. Ce qui est quand même très, très... on en est très loin. Et entre autres, parce qu'on n'a pas encore compris comment les plantes pouvaient percevoir le son. Donc, tant qu'on ne comprend pas comment les plantes peuvent percevoir, ça donne absolument aucune aide pour aller faire des études dans une niche écologique et tester si un son émis par une plante pourrait être perçu par les plantes voisines. Donc là, on en est très loin, mais ce qui a changé vraiment beaucoup, c'est que dans les années 2014, il y a eu un papier qui a montré que les plantes, quand on les exposait au son d'un pathogène d'une chenille, elles mettaient en place une réponse immunitaire à cette chenille. Et donc c'est la première étude qui montre que ça pourrait avoir un rôle dans la vraie vie des plantes, dans la niche écologique. Ensuite, il y a eu beaucoup de travaux sur la pollinisation. Et donc là, on se rend compte que la vitesse, le son fait par les bourdons peuvent changer la qualité du nectar et même provoquer des montées de nectar un peu plus conséquentes. Et si le bourdon qui vient polliniser a une vitesse de battement d'aile adaptée en fait à la plante. Et donc tous ces travaux-là qui sont vraiment tout jeunes et qui n'ont jamais été encore confirmés parce que la recherche ça prend du temps. Peut-être suggère que c'est une question sur laquelle il faudrait se pencher. Et donc, c'est très intéressant parce que j'imagine qu'on pourrait peut-être transférer ces connaissances sur le plan agricole, comme l'exemple des chenilles que vous disiez qui pouvaient stimuler la défense des plantes. Est-ce que ça a un réel intérêt de continuer la recherche pour la protection des cultures, par exemple ? Alors, c'est certain que continuer les recherches pour améliorer et comprendre la santé des cultures, c'est fondamental, ça c'est vrai. Après, il y a plusieurs sensibilités dans l'agriculture. Évidemment, moi en tant que chercheur, je vais vous dire que ce qui est important, c'est surtout d'avoir des connaissances. Et la mise en pratique de ces connaissances, après, elle appartient pas tellement à la recherche, elle appartient plus à la société. Et donc là, je vais pas vous répondre en tant que chercheur, je vais plus vous répondre en tant qu'individu. Hein. Mais dans votre préambule, vous avez bien montré que, eh ben, une plante, elle n'est pas isolée. Elle n'est pas isolée déjà d'un point de vue métabolique, puisque ben, vous avez parlé des mycorhizes. Hein. Elle n'est pas isolée de ses voisines. Via la communication, alors par les composés olfactifs volatiles par exemple, peut-être par le son. Et donc ce qu'on voit en fait, c'est que c'est une parcelle agricole, c'est un écosystème. Et dans l'écosystème, il y a beaucoup de redondance hein, entre les individus qui le composent. Quoi. Et ça, ça crée la robustesse des organismes. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'un organisme, c'est un tout, et c'est un tout robuste. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plus tellement pertinent d'imaginer qu'on peut prendre un mécanisme, par exemple la plante réagit au son de la chenille, donc mettre dans un champ un haut-parleur qui joue le rôle de la chenille, parce que ça peut avoir des effets délétères, et parce que ce qu'on sait, c'est que c'est plutôt la robustesse de la parcelle qu'on doit construire, plutôt qu'une réponse vraiment précise et spécifique à une stimulation donnée, quoi. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ces travaux sont transférables à l'agriculture. On peut aussi dire que la pollution sonore, c'est quelque chose qui existe. Et puis, l'effet du son sur les autres parties de la niche écologique, donc sur les micro-organismes, sur les insectes, sur les arbres autour, on les connaît pas. Et donc, ça reste quand même très, très préliminaire pour pouvoir imaginer transférer ça à l'agriculture, et puis c'est peut-être pas souhaitable de le voir en fait comme une solution à tous nos problèmes, sachant que on peut se dire de façon assez simple que l'agriculture c'est compliqué et que peut pas y avoir une solution simple à des problèmes compliqués. Donc ce que vous mentionnez, c'est d'avoir une approche plutôt globale à l'échelle du système. Qu'est-ce qui est le plus surprenant, selon vous, chez les plantes, en fait, de tout ce qu'on est en train de découvrir, parce que finalement, on en sait si peu. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus intéressant qu'on est en train de commencer peut-être à comprendre ? Alors moi, j'ai commencé la recherche dans la vision informatique, hein, donc dans un laboratoire de mathématiques appliquées, et tout le monde trouvait ça extraordinairement technique. Vous voyez un peu l'effet de l'IA maintenant sur les gens, quoi. C'est les gens ont pas de mal à croire que c'est ça le futur. Et en fait, moi, je faisais des algorithmes pour dessiner des arbres pour les jeux vidéo. Et donc, j'étais montré mes forêts à l'INRA. Et ils m'ont dit, OK, c'est joli, mais c'est pas des vrais arbres. Et en fait, les vrais arbres, ils ont des formes un peu plus complexe que ça, parce que leur objectif, c'est de tenir debout longtemps. Et en fait, on sait pas trop comment ils le font. Et moi, j'ai trouvé que c'était assez incroyable de se dire que quelque chose qu'on voyait tous les jours, comme un arbre, un brin d'herbe, c'était pas bien clair comment elle pouvait tenir debout. Et j'ai trouvé ça passionnant de me dire que derrière quelque chose auquel on est très habitué, qu'on voit même plus, quoi, pour la plupart des gens, les plantes, ça fait pas partie des choses qu'ils observent, et ben il y a un monde caché, il y a un monde de sensibilité caché. Donc depuis le temps que je fais de la recherche, j'ai quand même eu le plaisir de participer d'un peu loin à la découverte de la proprioception, donc avoir montré que les plantes sont capables de percevoir leur équilibre et comment elles sont dans l'espace. J'ai trouvé ça assez incroyable. On pouvait absolument pas s'imaginer ça. Et ben, voir maintenant que les plantes sont sensibles au son, ça défie un peu ce qu'on avait en tête hein, sur la capacité des plantes à percevoir. Et je trouve que c'est le message qui est envoyé derrière ça, c'est qu'il faut vraiment s'intéresser aux choses qui nous paraissent un peu triviales, qu'on remet plus trop en question, qui sont tous les jours devant nos yeux, et quand même qui cachent une beauté biologique, en tout cas très très grande. Et c'est sans doute là-dessus, hein, et puis un peu dans cet état d'esprit-là, qu'on devrait construire le monde pour l'avenir, hein, et capable de faire en sorte que les êtres humains soient capables de vivre un peu plus, en harmonie avec la nature que l'être humain doit contrôler pour sa production, mais qui doit aussi comprendre pour la contrôler sans, évidemment, sur le long terme et puis sans épuiser les ressources. Ok, parfait. Merci beaucoup. Notre épisode touche donc à sa fin. C'était une émission AgroJécoute présentée par les étudiants de l'École d'ingénieurs de Purpan en partenariat avec Campus FM, l'Université de Toulouse, la Commune de Toulouse et la région Occitanie. Nous vous remercions, Adeline Barbassi, pour votre partage et nous remercions nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. À bientôt.